Je vais finir ma vie à Harlem. Amin ou Amen, enfer ou paradis, Ari Allah ou Harlem. Je connais la procédure, sous ses airs, le commissaire veut nous la faire, on sait jouer avec ses nerfs. Père de Balenciaga, Renato Valensasca. J'ai des amis flics, mais gros, j'ai jamais balancé un gars. Si tu nous cherches, on est posé au fond du bar. J'ai appris à faire les cartes avec deux, trois mecs du parc. Fais attention à qui tu parles, à qui tu te confies. Contrat sur ta tête, mais on va te souhaiter longue vie. Yao, commanditaire au cachot. Même les salopes ont des armes, ne sert de faire le gâchot. Hey, c'est devenu tellement chaud. Mes amis, je peux les compter sur une main. Demande-moi des regards de travers dans les coursives. Ça se menace dehors, ça se déchire juste après une poursuite. Tu nous aimes pas, tu vas taper avec nous, Bessie. Tu nous aimes pas, tu vas taper avec nous, Bessie. Yao, équipe de Barjo dans la vague. Joigne de BR vers de Pago. Pardon, je vais pas te faire de cadeau. Voyons, je suis petit frère à Gago. Malhonnête, frère de plus ados. Ce que je vais leur faire, c'est pas beau. Soleil plein, je viens de Marseille, je passe tout l'été en ces bagos. Bulldog, dis-leur bien ici, y'a pas de Rambo. Je vais finir ma vie à Harlem. Amin ou Amen. Enfer ou paradis, Allah ou Harlem. Ils font les chants, mais on les malmène. Ils font les chants, mais on les malmène. Amin ou Amen. Enfer ou paradis, Allah ou Harlem. Ils font les chants, mais on les malmène. Ils font les chants, mais on les malmène. C'est toi qui donne mes pensées, le fils qui reprend. Je vais me les faire et juste après je me repens. Trop de morale, j'ai ma fille et le compte en banque en fond d'écran. Tout dépend, si c'est toi qui paye, je prends le supplément. Crapuleux, je vais leur couper la tête avant de couper les ponts. Crapuleux, je te dis que je t'aime et je te prends pour un con. Crapuleux, si tu lèves la voix, c'est les balles qui répondent. Crapuleux, fais-en un en attendant que je rebande. Hôtel, mon escorte est hôtel. J'ai des voyous hôtels qui m'ont dit passe nous on t'aime. Prépare le cocktail, on va les enterrer vivants. Je suis posé sur le divan, je vous laisse passer du vent. Je suis tellement haut que j'ai le vertige. L'ambiance est merdique, t'inquiète, je m'échapperai avant le verdict. On n'a pas bavé, on a bravé les interdits. On n'a pas bavé, on a bravé. Je vais finir ma vie à Harlem.